بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد انتهينا في درسنا الأخير من باب الكفر الكفر الأصغر On a fini, dans notre dernier dars, le chapitre concernant Al-Kufr. La deuxième catégorie, Al-Kufr Al-Asghar. فما هو الكفر الأصغر عند من؟ تفضل. أحسنت. أي سي كفر لكن il atteint pas le niveau de الكفر الأكبر qui fait sortir de l'islam. لكن dans les textes il est appelé كفر. Qui c'est qui a appris un دليل من القرآن ومن السنة؟ C'est cité Al-Kufr et c'est du Kufr Asghar. Indak. Sibabul Muslim Fusuq. وقتاله كفر insulter un musulman c'est من الفسق c'est de la perversité وقتاله كفر le combattre c'est du كفر c'est quoi qui nous prouve ان هذا الكفر dans ce hadith qui nous a rappelé le frère c'est quoi qui nous prouve انه c'est du كفر اصغر عند من تفضل انا جاء في ايات كتاب الله سورة الحجرات نعم. إنما المؤمنون إخوة. Et avant de, avant cela, c'est quoi le الشاهد؟ أحسنت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فالله سبحانه وتعالى il a cité l'اقتتال هنا. Et il les a appelés مؤمنون. وإن طائفتان من المؤمنين. Et كذلك dans le même verset إنما المؤمنون إخوة. Ça nous montre que هذا الكفر il ne fait pas sortir de l'iman. Ça ferait sortir de l'iman, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas appelé les deux parties mu'minoun. Là, malgré qu'il y a une partie zalima, une partie madlouma. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Ça montre que les deux parties ne peuvent pas avoir tous les deux avoir raison. Là, un des deux parties, la tort, la chèque. Il y en a le haq wahed, et s'ils se combattent, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Lakin, malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a nommé les deux parties bi lafz al-iman. Innama al-mu'minuna iqwa fa aslihu bayna akhawaykum. Le matloub minna dans Vihad al-Had, c'est l'islah. Pourquoi? C'est de les réconcilier. Les deux groupes, c'est des croyants. Hada, ma yata'alaq bi al-kufr al-asghar. Celui qui fait toujours un dhamb, est-ce que ça implique forcément annahu il a la croyance annahu ya'taqid anna hadha halalun tafaddal la yuhallal al haram même s'il le fait souvent ma dalil on a une preuve fi hadha tafaddal نعم كان يجلد ومع هذا فماذا حصل أحد الصحابة لعنه نعم نعم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله malgré qu'il a bu de l'alcool plusieurs fois هذا ça montre أن ما يعتقده والخوارج أنه صاحب الكبيرة سان كافر هذا سبب même s'il l'a fait plusieurs fois ce qui fait sortir de l'iman c'est nawaqid al-islam qu'on a déjà détaillé ensemble wallahi alhamd dans cette risala et dans d'autres et كذلك c'est de et ça fait partie de nawaqid al-islam de rendre halal quelque chose de haram clair il sait que c'est haram mais il le rend halal iyadan billah مثلا il dit l'alcool c'est halal et هذا on a dit même s'il ne boit pas c'est un kafir mais celui qui boit iyadan billah c'est un péché grave ça veut pas dire qu'on qu'on ne donne pas d'importance à hada. Là, lakin, on n'a pas le droit d'exagérer et le faire sortir de l'islam. Limada, li anna, pour faire sortir de l'islam une personne quelconque, il faut un dalil. Ça ne vient pas, ça revient pas à nous. فبعض الناس من كثرة الحماس والغيرة لكن يدبس لليميت ربما يفوى واحد يفوى beaucoup de معاصي يبنس كلا بل إيمان لا ça revient pas à nous هذا لأن si on le fait sortir de l'islam بغير حق c'est من الهوى c'est très grave et كذلك c'est un grand péché كفر son frère لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit هذا بل il a informé à celui qui rend كفر son frère si c'est pas vrai ça revient sur lui on n'a pas le droit de vouloir combattre le ma'asi ou enlever le munkar et tomber nous-mêmes dans le munkar. Là, c'est du deal. On doit faire attention à l'atifa, les sentiments. Ou le ghayra mal placé. Ou le hamas. Bardoum, ils sont motivés et ils voient wahed faire une chose, il ne comprend pas, ça le blesse. Ou yahkum alayh. Là, c'est du deal. On est obligé de revenir au texte. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset qu'on a lu ensemble, min surat al-hujurat, il démontre à l'homme, c'est des mu'minoun. Malgré qu'ils se sont combattus. Se sont entretués. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre, il a bu de l'alcool. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fouetté, il a rebu. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne le maudissez pas. Fa'innahu yuhibbu Allah wa rasoulah. Il aime Allah et son messager. Alors, on n'a pas dépassé les limites. On n'a pas plus de ghayra que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce din, ça nous montre, on doit faire attention aux sentiments. Ma dhallat al khawarij wa rawafid. Et tous les groupes égarés, il a bisabab al-hawa wa al-awatif, les sentiments. Il délaisse les textes et les sentiments. Ayyadun billah, et bardoum, il s'égare à cause de hada. Nous devons faire attention à l'hawa. Al-hukm, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tanaza'tum fi shay, farudduhu ila Allah wa al-rasul, in kuntum tu'minuna billahi wa al-yawm al-akhir. Faire attention à l'hawa. Bardoum, من شدة محبتهم لدين الله إذا بسط لميته سجع والشيطان كما تعلمون il essaie d'égarer la personne par rapport à ses sentiments. Allez, هذا الشيطان أحيانا certains jeunes ils aiment le din خاصة les nouveaux et il apprend des masail, il apprend que cette chose c'est haram, il apprend qu'il faut faire cette chose. Tom il voit autour de lui sa famille, ses voisins, sa ville, ils sont très loin de هذا. الشيطان il essaye de l'égarer min hada al-bab. Et commence à lui faire croire anna unzur hada. Malgré que c'est un musulman, lakin il fait tel péché. Il s'habille comme un kafir, il parle mal. Wa hakada des mukhalafat hatta ce jeune tellement qu'il aime le din, lakin il a pas les limites, al-ilm. Il revient pas ahl al-ilm, il connaît pas madhhab as-salaf. Rubama pour lui ça paraît énorme et ça peut être énorme, c'est des péchés. Lakin il dépasse les limites et il pense que un musulman il peut pas faire ça. Un musulman il boit de l'alcool, il fait zina, il fait telle chose. Si tu connais aqidat al-salaf, ça reste un musulman, sa foi elle est faible. Nous on dit pas que annahu sa foi elle descend pas. Annahu ce qu'il fait c'est rien comme tu dis le murji'a abadan. Nous on dit c'est très grave wa yunsah. Et bien sûr, il y a des choses, ça implique des choses tous ces de nous, lakin dépasser les limites et lui enlever l'iman bil kulliya fa bi aydali. Quelle preuve pour lui enlever l'iman bil-kulliya? Ça ne revient pas à nous, hada. Abadan, bel aqidatu salaf, elle est claire, anna sahibu al-ma'asiyya, walaw si une kabira, walaw si il l'a fait souvent, tant que c'est un mu'min, et il n'a pas contredit son iman bil-kulliya avec un annulatif de l'islam, ça reste un mu'min. Kama yakoul ahlul ilm, mu'minun bi imanihi fasiqun bi fisqih, ou bi dhunubi. C'est un mu'min. لأنه إلى الإيمان إسم فاسق لأنه إلى الفسق. Et ça c'est important. أن في الرجل قد يجتمع فيه إيمان وفسق بل إيمان وكفر أصغر. مثلا celui qui combat un مؤمن c'est un مؤمن إلى الكفر أصغر. Et ça c'est important. أما الخوارج والمرجئة ils ont pas compris هذا comme on avait expliqué dans nos دروس des sectes. Pour eux, soit t'es mu'min, soit t'es kafir. Fallait ha dans le khawarij, ils ont dit si il fait un grand péché, c'est plus un mu'min. Et là, ça se ressemble pas. Et le murji' akdalik, ils ont dit si on dit que al-iman il descend, on va faire comme le khawarij, on va le faire sortir de l'islam. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont conclu? Annahu le péché lui fait aucun mal. Et ça, c'est ceux qui exagèrent parmi eux, comme on avait détaillé. Amma nahnu la, ça peut être un mu'min Et il peut avoir du fisq, ou du kufr, ou du nifaq. Bien sûr, asghar, comme on a vu dans le chapitre du kufr, et comme on verra dans le chapitre du nifaq, incha'Allah ta'ala. Ça, c'est très très important, ya jama'a. Très important de connaître hada. Falihada, tu peux l'aimer et le détester. Tu l'aimes parce que c'est un mu'min, et il a des huquq. S'il tombe malade, on le visite, on le conseille. S'il meurt, on fait salat sur lui. Dans certains cas, il ne faut pas faire salat sur lui. Khasatan, si c'est un savant, il a khiré pour que les gens ils comprennent que c'est grave. Lakin al-asl, on fait salat sur lui. Et on le déteste par rapport à ce qu'il fait comme de nous. Falihada, quand il fait ce dhamb, on ne le côtoie pas. Et on le conseille. Et on lui montre qu'on n'est pas d'accord. C'est ce point que le Khawarij, ils n'ont pas compris. Enfin, tout ça, on a cité nahnu hada brièvement pour mettre en garde nos frères et nous-mêmes contre l'atifa, les sentiments. Al-hawa. Al-hawa, c'est une mosiba. Ça fait beaucoup de mal. Ba'duhum al-hawa les pousse à exagérer. Ba'duhum al-hawa les pousse, au contraire, à délaisser. C'est pas grave, c'est pas grave. Et ba'duhum, ils dépassent les limites. Al-Khawarij, ils ont tellement dépassé les limites. Hatta fil ibadah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé anna as-sahaba yuhqiruna salatahum 'inda salatihim. Hatta salat as-sahaba par rapport al khawarij, elle était pas aussi nombreuse. كذلك الصيام. Ils étaient mujtahidun fil ibadah. Lakin ça suffit pas l'ijtihad. Ijtihad avec ilm. Tout ça, bien sûr, ikhlas et mutaba'a li Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ta'lamoun anna trois hommes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus le voir et ils ont demandé à Aisha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas là, ils ont demandé à Aisha radiyallahu anha, a'mal, qu'est-ce qu'il fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Elle leur a informé annahu il fait salat, il dort la nuit, annahu de temps, des fois il jeûne, des fois il mange, ou hakada. Il s'est marié, il a eu des enfants. Fa ka'annahum, pour eux, c'était peu. Pourquoi? Les anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a tout pardonné, alors que nous, Allah ne nous a pas tout pardonné. فَقَالَ أَحَدُهُمْ إِنِّي أَقُومُ اللَّيْلِ وَلَا أَنَمْ. Et je vais faire salat toute la nuit, je ne dors plus. Un autre, il a dit, أَصُومْ لَا أُفْتِرْ. Et je vais jeûner, je ne mange plus la journée. Toute sa vie. وَحَدْ, il a dit, le dernier, il a dit, وَأَنَا لَا أَتَزَوَّجَ النِّسَى. Je ne me marie pas. Je vais me consacrer qu'à l'ibad. Aisha radiyallahu anha a informé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Anna, ces trois hommes, ils ont dit la akhiri. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam radiba. Thumma qal, man ragiba an sunnati falaysa minni. Celui qui s'écarte de ma sunna, il ne fait pas partie de moi. Aïe, ça ne fait pas partie de mon chemin, de ma guidée. Ce n'est pas ma voie. Malgré que la base, c'est quoi? C'est l'ijtihad, ibn al-khayr. Haoula, les trois qui sont venus voir Aïcha radiyallahu anha, ils n'ont pas voulu faire des ma'asid et mukhalafat. Là, c'est fondé sur l'ijtihad ou l'ibadah ou l'khayr. Lakin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a démontré toutes ses forces avec sa sunnah. Man raghiba, et celui qui s'écarte de ma sunnah, il ne fait pas partie de moi. On fait attention. Pardon, ils exagèrent. Wallahu al-musta'an.